c'est Leïla. Bonjour Leïla Kadour. Oh, elle est réveillée. Non, Leïla Kadour, Boudadi, il faut aller au bout, sinon, sinon la vous l'amputez. Ah, ok, d'accord, on y va. Virginie Fira et Justine Trier sont nos invités pour parler de Victoria. Tout de suite. Bonne émission, Nabi. Bonne émission. Vous écoutez France Inter, il est 11h, le flash, Lionel Thompson. Et 8 nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'attentat de juillet dernier à Nice. Les 8 hommes font partie de l'entourage de l'auteur de l'attaque. Ils ont été interpellés cette nuit dans les Alpes-Maritimes. Selon les policiers, ils sont en garde à vue pour procéder à des vérifications. Le second adolescent, soupçonné d'être l'auteur de la fausse alerte à l'attentat qui a mobilisé les forces de l'ordre samedi à Paris, est toujours recherché. Hier après-midi, la police a arrêté dans la Marne l'un des deux suspects. C'est un jeune âgé de 16 ans. La Cour des comptes appelle à un retour à l'équilibre de la sécurité sociale dès 2019. Après 25 années de déficit continu, revenir à l'équilibre de l'assurance maladie est une priorité de première importance, écrivent les magistrats dans leur rapport annuel sur la Sécu publié ce matin. La dette de l'assurance chômage devrait, elle, atteindre plus de 41 milliards d'euros d'ici fin 2019, selon l'AFP. Le régime affichait un déficit de près de 26 milliards d'euros en 2015. Ces chiffres devraient être confirmés ce matin par l'UNEDIC. Le rapport d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale propose de mettre des caméras dans les 263 abattoirs de France. Cette proposition intervient après une série de scandales liés à des maltraitances d'animaux dans plusieurs abattoirs, scandales révélés par des vidéos clandestines. En République démocratique du Congo, le siège du principal parti d'opposition a été incendié cette nuit à Kinshasa, la capitale. Une journaliste de l'AFP présente sur place dit avoir vu deux corps carbonisés et deux autres personnes brûlées vives. Hier déjà, de graves incidents ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Le bilan officiel fait état d'au moins 17 morts. L'opposition demande au président Joseph Kabila de quitter le pouvoir en décembre, à la fin de son actuel mandat, comme le prévoit la Constitution. La trêve est bel et bien terminée en Syrie, elle n'aura tenu qu'une semaine. Les raids et les bombardements ont repris depuis hier. L'un d'entre eux a touché un convoi humanitaire du Croissant Rouge dans la région d'Alep. 12 personnes ont été tuées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de son côté de 36 morts parmi les civils depuis la reprise des bombardements. Aux États-Unis, l'arrestation hier d'un suspect soupçonné d'être responsable des explosions survenues durant le week-end à New York et dans les environs a renforcé l'hypothèse terroriste. Le suspect est un Américain d'origine afghane âgé de 28 ans qui n'avait jamais commis jusque-là le moindre délit. Dans les territoires palestiniens, un homme qui voulait poignarder un soldat israélien à un barrage à l'ouest de la ville d'Hébron a été abattu ce matin. Les attaques menées par des Palestiniens se sont à nouveau accrues ces derniers jours à l'approche du Nouvel An juif et de l'anniversaire de vagues de violence qui a commencé en octobre dernier, baptisée l'intifada des couteaux. Et puis grosse frayeur ce matin sur l'autoroute A8, près de Brignoles, dans le Var. Un petit avion de tourisme qui transportait deux passagers s'est retrouvé en difficulté. Il a atterri sur l'autoroute. Heureusement, il n'a créé aucun accident et a pu se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mardi, le rêve américain s'effondre dans le nouveau film de Rafi Pitts, Soy Nero. Et puis en deuxième heure, en pleine campagne présidentielle américaine, on regardera de plus près ce qui se joue dans les séries télévisées, culture pop ou populisme. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Juste la fin du monde. Le nouveau film de Xavier Dolan, Grand Prix à Cannes. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Après 12 ans d'absence, un écrivain retrouve sa famille. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel, le 21 septembre au cinéma, un film France Inter. 11h04, la bande originale, Nagui, très bien entouré ce matin, bonjour. Absolument, ouais, merci pour hier, je vais dire à Guillaume Canet que vous n'avez pas du tout trouvé que j'étais entouré avec Daniel Thompson. Si, mais c'est pas pareil. Merci Lionel Thompson, ça sera à midi le retour de l'info sur Inter. Et la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi, Frédéric Siglis, Daniel Morin, Tom Villa, bonjour. Richard Lernac est au clavier. Oh, nos invités sont Justine Trier, Virginie Efira. Soyez les bienvenus, mesdemoiselles, avec Victoria Film qui est en salle depuis le 14 septembre et qui est déjà un carton depuis sa sortie. Et c'est surtout gentil de venir malgré ce carton. Vous auriez pu avoir la suffisance de dire « Eh ben ça marche, j'ai pas besoin de promo, je viens pas ». Mais vous avez tenu vos engagements, pour merci. Pour le plaisir de venir vous voir. Bon, n'en fais pas trop, ça va s'entendre. Ça s'entend. Hein. Tom Villa, avez-vous bien compris pourquoi Justine et Virginie étaient nos invités? Ben oui, parce qu'esthétiquement, ça permet de compenser la présence de Daniel et de Frédéric. Justine et Virginie. Surtout la radio. Justine et Virginie, vous venez nous présenter le film Victoria. Alors quand j'ai vu que c'était l'histoire d'une avocate au bout du rouleau, je me suis dit tiens, c'est bien, c'est moderne. Ils ont fait un film sur l'avocate de Cahuzac. Et alors je vais pas vous mentir, je vais essayer de faire le pitch, mais c'est pas évident. Il est très dur à faire. C'est vrai, disons qu'à côté le résumé, le conflit israélo-palestinien, ça tient sur un post-it. Quoi. Non mais c'est vrai. Mais bon, vu que je suis un ouf, vous savez quoi? Vas-y. On va le tenter de faire un résumé. Riton, musique. Alors, Victoria, c'est donc l'histoire de Victoria, logique, que vous incarnez Virginie. Victoria est mère de deux enfants, deux filles pour être exact. Divorcée de leur père, un écrivain chelou qui raconte la vie de Victoria sur un blog. Par-dessus, elle doit défendre son ami Vincent, joué par Melville Poupeau, accusé d'avoir planté un couteau à dessert dans le ventre de sa femme. Bref, de lui avoir fait une Nabila, quoi. Sauf que le seul témoin, c'est leur dalmatien. Et un dalmatien, ça parle pas. Donc forcément, c'est compliqué de défendre son pote. Surtout, Victoria est galère avec ses enfants. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser, Victoria, au début, elle se fait planter par son babysitter. Bref, une sorte de petit con qui a une tête à faire à Léna. Donc elle embauche Sam, joué par Vincent Lacoste, qui est un ancien client à elle parce qu'il vendrait de la drogue. Bref, sauf que lui, il a l'air un peu amoureux d'elle. Et Victoria, son vagin est en grève parce qu'elle a plus de libido. Tout ça parce que sa vie, c'est de la merde, qu'elle est au bout du rouleau. Parce qu'être une femme, c'est compliqué, surtout quand tout part en couille. Bref, Victoria, c'est l'histoire d'une meuf qui est dans la merde. Faites jamais de série, Justine, parce que Game of Thrones, ça sera Martine à la plage. Oh là là, le bordel. Donc Virginie, vous êtes dans la merde. Tu m'étonnes qu'elle est dans la merde, votre personnage, parce que faut voir les décisions qu'elle prend. Engager un ancien dealer pour garder tes mots, mais tu n'as pas engagé un business avec Rocancourt pendant qu'on y est. C'est... plus, le mec, il a la tête de Vincent Lacoste. Alors j'adore Vincent Lacoste, mais enfin, lui filer la garde de ses mômes, c'est comme confier son argent à Jean-François Copé, c'est quand même un peu compliqué. Bon, bref, le fil rouge du film, c'est le procès de son ami qui est soupçonné d'avoir planté un couteau à dessert dans sa femme. Alors on le répétera jamais assez. On ne plante pas un couteau dans quelqu'un, un être humain n'est pas un tiroir de cuisine. Et le seul témoin. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Exactement. Et le seul témoin, c'est le chien, c'est le dalmatien. Alors c'est vrai que c'est un peu con que ça soit pas Lassie ou même Rex, chien flic. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série, parce que non seulement Rex, au tribunal, il avait du poids, parce que je vous le rappelle, c'est quand même le seul berger allemand qui était assermenté. Mais en plus, avec son coussinet, il remplit une déposition, il coule un macchiato. Bon, bref, Virginie, dans 20 ans d'écart, vous chopiez l'adolescent Pierre Ninet. Dans Victoria, c'est Vincent Lacoste. Virginie Fira, c'est devenue la Brigitte Macron du cinéma français. Oh, c'est dégueulasse. Bref, je sais pas si j'ai tout compris au film, Nagui. Ah, mais si bien, vous aimez les filles en galère. C'est une belle femme, Madame si Macron. Vous, si vous aimez les filles en galère, les Dalmatiens et les Babysitters, Victoria est fait pour vous. Merci. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Mais en fait, mon salaud, tu l'as bien fait le pitch. Non, normalement, t'es censé mal le faire pour qu'après j'arrive en disant non, c'est pas du tout ça, je suis professionnel. Je vais rectifier, mais Justine. Non, je suis très admirative, vraiment. Impressionné. Non, c'est vrai que c'est très compliqué de faire ce pitch en trois phrases. Elle ne pensait pas avoir écrit ça. J'ai vu des choses. Film. Comment vous avez vécu la sortie? Puisque nous, c'est un baptême. C'est la première fois que nous recevons une réalisatrice et la comédienne principale d'un film pour un film qui est sorti une semaine avant. Comment l'avez-vous vécu, cette sortie? Débriefons la promo et la sortie et le succès. Bah, je sais pas, quand on était en train de faire le film, il se passait quelque chose véritablement entre nous, quoi. Disons que Justine, elle arrivait à faire en sorte qu'on était tous ensemble sur le même film. Donc, il y avait une puissance à faire les choses, une joie. Voilà. Et on se disait bien, enfin, je me disais, je sais pas si le film sera réussi, raté. Finalement, peu importe, c'est qu'il restera quelque chose de ce qu'elle a réussi à imprimer. Justine sur le tournage. Donc après de voir effectivement, d'abord on l'a présenté à Cannes, il était pris à Cannes, de voir super, quand même qu'il y avait super bien accueilli. Oui, hyper bien accueilli. Donc ah ouais. C'est quand même chouette que bah que du coup ça soit un peu contagieux parce que bon un bah film oui, quand même que les gens savent. Après bon du coup on nous en parlait beaucoup, mais c'est dans un petit milieu quoi, les gens qu'on connaît etc, qui voyaient les choses et qui en parlaient plutôt bien. Mais je disais à Justine, bon, faut pas s'exciter, le film, il est quand même, il a une forme, il est particulier. Je veux dire, je sais pas, on dit toujours ce mot, le cinéma d'auteur, film d'auteur, etc. Je sais pas bien ce qu'il détermine, mais détermine pour moi, en tout cas, dans Victoria, l'idée que c'est vraiment le film de Justine d'un bout à l'autre. Et que dans son processus de création, elle se dit pas, ah, oh, je vais faire un film pour que le plus possible de monde aille le voir. Elle fait son film. Et après, il touchera le cœur des gens que ça va intéresser. Pas, voilà, le plus grand nombre, forcément. Donc je disais, bon, sur les entrées et tout, il faut qu'on se calme, c'est pas parce que tout le monde nous en parle. Que bon, que ça va intéresser tout le monde. Du coup, bah, je crois qu'on était quand même. Ce qui est chouette, c'est qu'on a eu une vraie grande surprise de voir à quel point ça a fonctionné. On s'y attendait pas, franchement. Pour moi, c'est la première fois que je fais la semaine dernière, vous étiez Justine en tête du box-office au jour de la sortie, donc ça doit faire devant le gros film américain. Devant War Dogs, ouais. War Dogs, mmh, c'est War ça. Ouais. Avec moins de copies. Ouais, moins de copies, plus d'entrées, plus des critiques super. On peut pas dire que la bataille de Solferino, c'était. Ah, non, c'était 50 000. Je me disais, c'est fou, là, j'ai fait en deux jours tout ce que mon premier film a fait. Je ne pouvais que être surprise dans le bon sens. Non, puis c'est rare, franchement. Donc c'est quelque chose, quand même. On ressent un truc très positif, parce que c'est une chose rare d'avoir quand même un accueil comme celui-là, critique et public. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est vrai, comme l'a dit Virginie. Virginie, il y a aussi dans votre... Vous avez la carte, entre guillemets, de réalisatrice et de film d'auteur. J'aime bien la définition aussi de dire « je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter en étant la plus sincère possible et puis advienne que pourra ». Vous la prenez aussi pour vous, cette définition? Oui. C'est-à-dire que moi, je me sens libre. Après, je me suis senti libre aussi de prendre Virginie, non pas pour des raisons, parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, t'as pris Virginie parce que tu voulais faire le jackpot, machin. Non, moi, j'ai vraiment. Non, mais c'est vrai. Je tiens à dire à tous que je suis une garantie de jackpot. Même dans la vie. Même dans la vie. Comme l'âne de Podane, quoi. Tu vois là. Non, oui, voilà. Ça finit mal. Depuis que Virginie finit mal. Attention. Virginie est à table. Tout le monde a été augmenté là en deux secondes. Elle est bankable, mais grave. Il se passe des trucs dingues. Elle ira. Moi, je suis très naïve. C'est-à-dire que je travaille. Je me fais plaisir à moi, j'adore écrire, donc du coup j'écris les dialogues, voilà. Et à un moment donné, je me dis, qui est-ce qui va pouvoir interpréter ça? Et puis, moi, je vois Virginie parler dans des interviews, tout ça, je me dis, mais cette fille est géniale, elle a un truc génial, vous l'avez vu dans 20 ans d'écart. Dans 20 ans d'écart aussi, bien sûr. Et la parenthèse. Et la parenthèse, voilà. Non, dans Terre Inconnue. Et Terre Inconnue, les deux, j'ai vu les deux. Ah, voilà. C'est mon petit côté campagnard. Non, mais je l'ai trouvée sublime. Je me suis dit, cette fille est géniale, elle est drôle, elle a aussi un visage qui change tout le temps. Enfin voilà, j'étais fascinée par elle. Et voilà. Il y a un détail quand même qui compte énormément pour ce que vous faites. Elle joue bien. Ce qui aide aussi, parce au-delà de ce qu'elle dégage dans la vie de tous les jours, bien sûr. Ça reste une comédienne. Il faut qu'elle soit malléable. Ah bah évidemment. Alors, quel a été votre impact et comment vous avez joué avec ce côté malléable de la comédienne? C'est-à-dire, vous. Parce qu'il est un peu autobiographique, j'imagine, un peu de vous dans le personnage. Un peu, non, il y a 20% de moi, mais le reste, c'est. Non, heureusement pour moi, c'est pas ma vie. Elle essaie de se justifié comme l'auteur dans le film. C'est ça. Non, c'était quoi la question? À quel point vous l'avez malaxé, modulé, changé comme une pâte à modeler? Non, mais moi, c'était simple. C'est-à-dire que Virginie est tellement elle propose tellement de choses que voilà, moi, après, c'est juste qu'on se disait où est le curseur? Où est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que quand elle prend des médicaments, est-ce qu'elle doit être plus ou moins défoncée, etc.? Donc, des fois, Virginie me disait, mais est-ce que c'est pas trop ridicule, machin? Moi, je disais, non, on ose le ridicule et moi, en montage, je pourrais doser moduler, ça. Mais effectivement, non, on a vraiment osé aller partir dans plein de directions. Et Virginie, ce qui est génial, c'est qu'on parle avant, mais au moment du tournage, on oublie, on met le cerveau de côté et on essaye plein de choses. Et elle joue vraiment avec l'autre, ce qui est très rare. Enfin, moi, je trouve que c'est rare. Et c'est un rôle, après, maintenant, on la voit comme ça, on trouve ça super, mais c'est vrai que c'est très difficile à jouer, je trouve, ce type de partition comme ça. Je rappelle le casting global, la liste artistique. Il y a donc Virginie Fira, Vincent Lacoste, Melville Poupeau, Laurent Poitronneau, Laure Calamy et Alice Daquet. Le casting est génial, et puis il y a plein d'univers très différents. Je pense à Laurent Poitronneau, qui est un très très bon comédien de théâtre qu'on voit pas assez au cinéma. C'est pas la première fois que vous faites appel à des comédiens comme ça, Justine Trier, dans la bataille de Solferino. Je pense à Vincent Macaigne. Enfin, à chaque fois, il y a une richesse. C'est votre deuxième film que je vois, moi en tout cas. Et il y a une richesse dans la distribution et vous avez cette audace d'aller chercher des comédiens qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Mais pour revenir là au rôle de Victoria et au personnage, cette femme qui est la quarantaine, déjantée, deux gosses, qui cherche un peu à sortir la tête hors de l'eau, c'est volontaire, j'imagine, de créer un personnage féminin qui ne soit pas le stéréotype des comédies romantiques. Oui, oui, complètement, oui. Oui, c'est sûr que moi, je joue avec des codes du genre, parce qu'on est quand même dans flirte avec la comédie romantique, mais c'est vrai que du coup, ça me permet à moi d'être beaucoup plus libre et de montrer un personnage voilà, qui fume, qui boit, qui fait plein de choses que finalement, on ne voit plus beaucoup au cinéma. Qui s'occupe peu de ses enfants. Voilà, exactement. Enfin, après, ce n'était pas non plus l'axe exact de. Enfin, je voulais quand même qu'elle les aime, ses enfants. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah oui, non, mais ne pas beaucoup s'en occuper, ça ne veut pas dire qu'on les aime oui, pas. Hein. Oui, non, tout à fait. Mais qu'il n'est pas assailli par la culpabilité, en tout cas, quand elle fait autre chose. Que et ça c'est génial, ça c'est super. Ça, oui. Montrer, oui, de montrer un personnage complexe, féminin, voilà, qui n'est pas juste en quête de mari ou juste en quête de boulot. Enfin voilà, tout ça c'était pour montrer un portrait de femme, voilà, contemporain, qui soit. Et un portrait génial, très moderne, notamment sur. Il y a une réplique géniale dans ce film sur le féminisme. C'est vous, Virginie. Ce qui est misogyne, c'est de penser que les femmes sont des victimes par nature. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça ? C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça. Mais moi, j'ai jamais pensé. J'ai la sensation que j'ai la sensation que plein de personnes qui s'estiment féministes n'ont pas digéré plein de lectures. Ou ouais. Plein de concepts là-dessus et considérer que toujours la femme est une victime. Et ça, tout d'un coup, je me dis, cette femme-là, cette Victoria-là, elle me plaît. Et elle vient renouveler un genre. Voilà, il y a un côté pionnière dans le personnage que vous avez créé. Bah, merci. Je me suis. Non, mais moi, c'est vrai, quand on écrit, on se dit jamais. Enfin, en tout cas, moi, je ne me dis jamais, tiens, je vais révolutionner la. Voilà. Mais après, oui, effectivement, moi, je suis une femme. Donc voilà, évidemment que je me questionne autour de ça. Et puis, je crée un personnage féminin qui. Voilà, évidemment, moi je me suis dit, j'avais besoin en tout cas qu'il soit le plus riche possible. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'au fur et à mesure du film, on découvre de plus en plus de choses de cette personne qui n'est pas juste une petite chose fragile, qui n'est pas juste à la fois une working girl, qui est plein de choses mélangées. Et c'était de montrer tout ça qui m'intéressait. Et... Il faut forcément être une femme pour créer un personnage aussi proche de ce qu'on nous on peut ressentir. C'est tout d'un coup, c'était ma question. Je sais pas, parce qu'en même temps, moi j'adore, il y a plein de réalisateurs qui font des personnages géniaux de femmes, Almodovar, enfin il y a plein en fait. Donc en même temps, je sais pas. Mais en tout cas, évidemment, quand on est une femme, on se questionne peut-être différemment. Enfin, peut-être qu'on est. On n'est plus dans un. On n'est pas juste dans l'apparence physique ou dans le côté icône, ou on n'est pas non plus juste dans le côté ménager, quoi. Enfin, voilà, il y a une espèce de. Ça, les choses circulent, en fait, voilà. Et c'est pour ça que moi, c'était important qu'elle ait, elle a des enfants, certes, mais le film n'est pas axé que là-dessus. Et c'est pour pas. Pour, enfin, voilà, c'est plus large que ça, quoi. C'est très réussi. Et c'est très ancré en plus dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a un côté social qui, même si elle est d'un niveau de vie d'avocate et on imagine plutôt classe moyenne, oui. Voilà. Plutôt, enfin, galère un peu quand même. Bien. Elle galère un peu, mais elle est quand même. Elle a un appart. Quand même bien sûr. Voilà, c'est ça. Puis elle peut payer une nounou ou quelqu'un pour garder les enfants, tout ça. Elle s'organise, mais la manière d'aller chercher, peut-être, j'ai plus le pseudonyme en tête. Enfin, quelques mecs pour que son sexe ne soit pas totalement en panne sur Internet. BG 75, ouais. C'est... Ah, d'accord. Un télo BG 75. Ah, bah, oui, donc, lui, vous le connaissez. Vous l'avez écrit, mais vous le connaissez. C'est lui les 20%. C'est Et puis alors, la revue de presse, elle est juste dingue. J'imagine que vous les avez toutes lues, que ce soit dans Les Inrecuptibles, sur Victoria, le gros coup de cœur de la rentrée avec une Virginie Efira à tomber. Ça fait toujours du bien à lire. Il y a eu aussi, par exemple, dans Télérama. Alors là, c'était On aime beaucoup. Justine Triet signe une comédie accrocheuse où Virginie Efira excelle en quadragénaire extravagante et à bout de nerfs. Ça revient souvent, le femme au bord de la crise de nerfs ou le bout de nerfs. Oui, c'est l'un des gimmicks. Dans Paris Match, en avocate perdue avec ses enfants, ses amants, son ex-mari et ses séances de psy, elle fait des merveilles dans la comédie échevelée de Justine Triet, en parlant évidemment de Virginie Efira, et risque de se retrouver bien placée dans la course au César. Alors ça aussi, c'est revenu souvent. Non, vous l'avez lu, Virginie? Oui, bien sûr, je l'ai lu. La course au César, c'est l'un des titres. Et dans Le Parisien de ce matin, ils annoncent qu'elle l'a déjà eu, en fait. Alors, c'est pour ça que je vais vous laisser. Tu parles du Parisien, merci pour l'enchaînement. Pierre Vavasseur, que je respecte énormément. Moi aussi, davantage depuis son article. Parle d'un plaidoyer. Oui, alors, je pense moins Justine. Parce que, oui, parce qu'il met quand même 4 étoiles sur 5. En encourageant tous les lecteurs, allez vous voir. Et il dit « Sophie Triet ». Et non, alors, c'est pas vrai. Ah merde, je l'ai pas lu. Ah, Sophie Triet revient ici avec une comédie douce, amère, parfaitement construite, d'une grande sensibilité et d'une pertinence absolue sur le disque rayé de la nature humaine. Oh, c'est pas très quant grave. À Joséphine Efira, vraiment. Virginie Efira y prouve qu'elle est une très grande actrice. Non, c'était juste une petite taquinerie. Alors, il y en a un, je l'ai perdu, qui c'était dans Libé. D'ailleurs, j'étais en dépression après avoir lu la critique. Je l'ai retrouvé. je sais plus où il est. Pourquoi en dépression ? Il y en a qu'un, parce que je vais te la dire, tu vas comprendre. Il y en a qu'un qui n'a pas aimé, c'est Éric Libiot dans l'Express. Ah oui, ouais. Il n'a pas aimé du tout. Lui. Ah, pas du tout. Alors non, lui, c'est dit, bien aussi. Il dit que Virginie est une actrice magnifique, mais le film n'est jamais à sa hauteur. Le film est mou d'un auteurisme chic et flop. C'est-à-dire que, en fait, lui, il vous reproche. C'est terrible, chic et flop. C'est encore pire que. Bon. Il vous reproche d'être. Finalement, d'être la carte et de faire un cinéma d'auteur. Bah, c'est le paradoxe, non ? Bah oui, c'est. Oui. Mais en même temps, c'est bien. Non, c'est très bien d'avoir quand même des gens qui n'aiment pas ce film. Bien moi, sûr, je trouve ça très bien. Sinon, ça serait assez triste pour le film. Ça voudrait dire que. On fait plaisir à tout le monde et que c'est assez tiède. Donc non, c'est bien, c'est bien. D'accord. Bon, bah alors, vous êtes c'est très bien. C'est super, même. C'est très bien. Défoncez le film. Allez-y. Je vais retrouver la critique de l'IB, je ne sais plus où je Et puis, il ne faut pas oublier Vincent Lacoste. Moi, c'est vraiment, c'est la première fois que je vois comme ça. Comme dirait Nagil avec Avenir. C'est-à-dire que jusqu'à présent... J'ai rajouté cet idiot, non ? Je vois bien un truc comme ça. Jusqu'à présent, moi, quand je voyais des films avec Vincent Lacoste, je le trouvais bon comédien, je le trouvais touchant, je le trouvais... Et là, j'ai eu l'impression de voir un homme. Oui. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à toutes les qualités que Justine a dit sur moi, les acteurs et tout ça. Vraiment bon, un acteur formidable, super, mais tout seul, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Et c'est aussi, je veux dire, diriger, dans l'abandon nécessaire à essayer de donner des choses, il faut quand même la confiance. Et Justine, elle m'a quand même proposé un rôle avec des choses assez sombres. C'est pas forcément ma filmographie précédente qui pouvait laisser entrevoir des choses déjà comme ça. Vincent, c'est pareil, effectivement, dans sa maturité. Je suis pas d'accord, pour moi, tu as une mélancolie, une faille en toi, vraiment. C'est vrai. Moi aussi, je la sens. Ah oui, vraiment, moi je la sens vraiment. On va en parler, mais évidemment. On va en parler de ta faille, t'inquiète pas. On va en parler, mais bon, je veux dire, mais dans les films que j'ai faits, c'était pas forcément ça qui était bien avant. Mais ensemble, vous êtes sinistre au fond. Complètement, les gars. Non, mais complètement. Non, mais vraiment, je suis quelqu'un qui plombe l'ambiance. Quand elle a bu, elle est vraiment sinistre. Raconte, c'est horrible. Bah non, c'est vrai. Une anecdote à raconter ? Bah, on a déjà pris des verres ensemble. D'accord. Et alors, j'étais sinistre ? Non. Mais je veux faire courir des rumeurs. Et Vincent, c'est vrai, il a une maturité particulière dans ce film. Il devient très beau. Il est sublime. Il fallait croire à cette chose-là, à une croyance, à un romantisme premier degré chez lui, à une masculinité autoritaire aussi, à quelqu'un qui prend en charge. Il a questionné mon hétérosexualité, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a une évolution dans le film au départ. On le voit. C'est pas quelque chose qu'on avait fait. À la fin, il devient juste à tomber par terre. Ouais. Ouais. On a travaillé quand même. Il était pris pour une sexualité qui était quand même plus solitaire, si je puis me permettre. Là, tout d'un coup. Mais qui n'est pas à dénigrer non plus. Oui. Ne jugez pas. Saluons Onan qui nous écoute. Et qui aime que j'en dis. Alors, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Justine et de Virginie, vos oreilles ont sifflé. Et oui, immédiatement, quand je pense à vous, Virginie et Fira, je ne peux pas m'empêcher de penser à une actrice américaine que j'adore, qui était le personnage principal de Maggie a un plan, de Rebecca Miller. I need a baby. I just don't see why I should wait. For a father, perhaps? I've never been in a serious relationship that's lasted longer than 6 months. Oh, hi! Elle, c'est Greta Gerwig. Ah oui, Greta. Et dans Maggie a un plan, elle tombe amoureuse d'un homme marié. Lui, c'est Ethan Hawke. Il quitte sa femme. Elle, c'est Julianne Moore. Sauf qu'un jour, Greta en a ras la casquette d'Ethan et elle décide de le rendre à sa première femme. Quand j'ai vu Victoria, je me suis dit, voilà, il y a un truc aussi moderne dans la femme, dans le rapport à la sexualité, totalement transparent. Ouais, sans... dégueulasse, quoi. Absolument. Et c'est une femme normale, en fait, Greta Gerwig. On s'identifie, elle suscite de la sympathie. Et puis elle a quelque chose de masculin, féminin et d'enfant. Elle a les trois trucs en même temps. Absolument. Dans Frances elle était juste à tomber par terre. Et dans Et ta sœur de Marion Vernoux, vous êtes aussi. Il y a quelque chose de proche avec ce genre de personnage. Vous venez de vous séparer de votre chérie et vous êtes filmée sans chichi. C'est ce que j'ai aimé aussi dans Victoria. Vous vous laissez filmer simplement, sans chercher à être embellie, sublimée. Et comme Greta. Et je vois. Non, mais je trouve que. Je vois pas comment. Vous acceptez d'être moche. Non, au contraire, je vois pas comment on peut faire mieux. Vous acceptez d'être. Parce qu'elle est au naturel. Ah bah merci. Oh, le lover, celui-ci. Mais je suis d'accord avec toi. Sauf il que nous l'a fait à l'égyptienne, oui. Là. Je suis d'accord avec toi, sauf que la tradition dans les films, et en particulier vers les films qui se rapprochent de la comédie romantique, t'es toujours obligé de voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'identifie pas. Mais elle est beaucoup plus craquante. Une nana qui est toujours au réveil, qui est maquillée comme si elle venait de faire une séance d'une heure avec un professionnel. Jennifer Aniston. Et puis, je vais avoir 40 ans et Justine, elle filme ce truc-là. Elle me dit. Et bah, ça, je trouve ça beau. Je vous trouve belle comme ça. Bah merci. Voilà. Moi aussi. Non mais c'est vrai. Et quand je pense à vous, Justine Triet, Quand je pense à vous, hein, Justine Triet. Et ben c'est l'inverse. Non, ben moi je pense à une comédienne. Et ben je me dis que vous avez besoin de maquillage quand je pense à vous. Oui, ce matin surtout. Justine, moi quand je pense à vous, je pense à une comédienne furieusement déjantée. Vous l'avez fait tourner dans la bataille de Solferino, c'est Laetitia Doche. Je pense que vous êtes aussi furieuse qu'elle dans la vie en fait. Et pour vous donner une idée à vous, chers auditeurs, je vous propose d'écouter un extrait de sa performance que j'ai pu voir cet été au Festival d'Avignon avec un artiste que j'adore, Jonathan Capdevielle. C'était un sujet à vif à Avignon, un sujet à vif, c'est un programme court et ce programme s'appelle Les Corvidés. Je précise, ces deux acteurs que vous allez entendre incarnent des vampires. C'est une précision qui est importante pour bien comprendre ce qu'il suit et pour qu'il n'y ait pas vraiment de malentendu. On va entendre Laetitia Doche. Okay. Ça fait un mois que j'ai pas sucé. Ah oui, d'accord. C'est toi qui as dit ça, non ? Quoi ? Ah mais dis donc, t'as... Mais oui, j'ai maigri, ça se voit. C'est parce qu'en ce moment, je fais attention, je suce que des gens en pleine forme. Des coachs sportifs ? Oui, il y a l'Arena à Avignon, un club de sport qui ferme tard, je fais toujours la fermeture. Ah, c'est pratique ça. Mais attends, comment tu fais ? Parce que les douches, c'est individuel ? Non, le sauna, il est... Bah déjà, je suce que des hommes, je trouve que ça me donne un tempérament plus combatif. À la salle de sport, tu suces ? Ouais. Voilà, c'était très très gonflé face au public d'Avignon qui est toujours un petit peu, comment dire... Ah, tu parles des vices là. Réservé. Moi j'ai beaucoup ri et en fait quand je vois cette comédienne, quand je la vois performer, je pense à la bataille de Solferino et je me dis que pour engager une comédienne comme ça, il faut être proche dans la vie, dans la tête. Est-ce que je me trompe ou pas ? Peut-être que Virginie... Alors cet extrait là, c'est... c'est... Non. Oui, non, c'est vrai. Bah, oui, non. C'est quoi ? Allez au bout ? Allez, on enchaîne. Non, mais oui, évidemment. Non, mais Laetitia, oui, on a une proximité évidente. On a fait plein de films ensemble, donc voilà. Et c'est quelqu'un de très audacieux qui a fait, je me souviens aussi d'une performance avec un serpent, une espèce de boa autour d'elle qu'on lui avait trouvé à Avignon, donc ouais, non, elle est très très étonnante, quoi. Elle a ce côté effectivement très très je sais pas, elle a pas froid aux yeux, quoi. Elle y va, quoi, donc c'est agréable, ouais. Est-ce que vous avez envie d'écrire aussi pour des pièces de théâtre et pas unique, parce que vous êtes plutôt dans la vidéo, plutôt dans le montage. Tout à l'heure, même quand vous expliquez comment vous dirigez Virginie Efira ou Vincent Lacoste, vous parliez du montage. Ça veut dire que vous l'avez déjà en tête au moment du tournage, vous pensez déjà à... ouais. Bah parce que c'est vrai que le plus simple, c'est de faire plein de prises et de monter énormément. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, au tournage, de se dire, tiens, est-ce qu'on peut avoir quelques plans séquences, c'est-à-dire des scènes où les comédiens font tout d'une traite. On coupe le moins possible. On coupe le moins possible, ça qui est pour plus beau. Pour garder le naturel. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, moi, je pense tout le temps à ça. Maintenant que j'ai fait, c'est mon deuxième film, donc j'y pense plus. Et oui, complètement. Par contre, le théâtre ne permettrait pas ça, justement. Non, le théâtre, je pense pas. Ouais, j'ai pas le désir de ça. Je pense que je suis pas une grande spectatrice de théâtre. Et je suis très dure au théâtre, je suis vraiment très exigeante, j'ai besoin vraiment qu'on me porte. Voilà, qu'on me porte. Voilà. On va, avant de retrouver l'humeur, la bonne humeur, vu la tête de Frédéric Sigrist, on va écouter Jacques Warma avec Obi-Wan. Virginie Efira et Justine Triet sont nos invités. On parle de Victoria qui est au cinéma depuis mercredi dernier. What should I expect? What do you see in me? What do I see in you? What have you been? She on fire, so that leaves me. Jaguarma avec ce titre Obi-Wan. J'ai retrouvé donc le papier de Julien Gester. On va laisser d'ailleurs la musique parce que je trouve que la musique va bien avec le papier. Il a écrit « La grâce et la vibration burlesque qui parcourent Victoria doivent beaucoup à la manière dont la mise en scène de Justine Trier s'accorde à ce régime existentiel de vastes dérèglements moléculaires. » Laisse la musique. Bon, enfin, c'est pas grave. Elle avait pris un mauvais assis. Je sais pas, mais en tout cas, c'est beau. Non, je le remercie, c'est un des plus beaux papiers. Julien Gester, je t'aime. Voilà. Ah, pardon, je savais pas que c'était un intime. Non, mais blague à part, vous avez dévoré les revues de presse, les commentaires aussi sur Allociné, que sais-je. Ah oui, moi je suis obsédée par Allociné. Alors, je suis très angoissée quand la note descend. Voilà. C'est le seul truc qui m'obsède vraiment. Elle voit un mauvais commentaire de spectateur, elle a toutes les meilleures critiques du monde de partout. Ouais. Elle fait, tu te rends compte, il a mis une étoile, il n'y a pas de gouvernement. C'est bon, quand même. Et je vais l'appeler, je vais le voir. Et quand vous allez au resto, vous allez sur Marmiton, au TripAdvisor ou pas avant pour vérifier? Non, mais moi, oui, par contre. Essayer. C'est vrai? Ah, mais je suis tombé complètement addict de ça. C'est triste d'ailleurs de voir les photos de spaghetti avant d'aller dans un italien. Tu dis, mais Nagui, on s'en fout. Ah, non, on est en voici l'humeur de Frédéric Siglis. Salut. Bonjour à tous. Salut. Nagui, figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc. Non, mais vraiment, on m'a nommé représentant des parents d'élèves. Ou la responsabilité que t'as. Alors que je m'étais même pas présenté. C'est bon. T'as tous les mails de toutes les mamans. Non mais voilà, c'est comme si on te demandait une pension alimentaire alors que tu t'es même pas envoyé en l'air. Et en fait, c'est à cause de ma femme. Elle a été dire que je serais d'accord sous prétexte que quand elle m'en a parlé, j'ai répondu. Mais c'est pas une réponse. C'est une convention. Tout le monde sait que c'est la contraction de oui et je m'en fous. Je réponds à toutes ces questions. Comment cette fois elle a pu se dire que je lui disais oui? J'ai ressenti ce que François Hollande. Ah oui, je suis Laurent. J'ai ressenti ce que François Hollande a dû ressentir quand on lui a dit qu'il allait recevoir le prix de l'homme d'État de l'année. J'ai dit aux autres parents, mais vous êtes sûr? Il y avait personne d'autre? Parce que je suis incroyablement incompétent. Non, sur l'échelle de la compétence, je me situe entre Nadine Morano, ministre, et Alain Finkielkraut, intellectuel. Et pour ce qui est du bien des enfants, je suis même pas sûr que ça soit bien d'en faire. Ils m'ont dit, c'est pas grave, vous avez deux bras, deux jambes et vous savez parler français, vous êtes déjà surqualifié par rapport au dernier représentant qu'on a eu. J'en ai conclu que si ça se passe comme ça au niveau d'une association, j'ose même pas imaginer comment ça se passe au niveau d'un pays. Et ça m'a donné le thème de ma leçon numéro 4 du manuel de survie dans l'isoloir. Être élu ne signifie pas qu'on est le meilleur, juste qu'on s'est présenté. Parce que moi, si je voulais pas devenir représentant des parents d'élèves, c'est parce que je savais très bien qu'il y a quelque chose de bien plus chiant dans une école que les élèves, les parents. Qui vont me tomber dessus pour me dire à quel point c'est pas normal que la maîtresse soit aussi sévère avec leur fils Tyrone, qui a pourtant tout pour être un génie. Comment voulez-vous que je ne dise pas à ses parents que leur fils il est complètement con, qu'il a le potentiel de terminer animateur sur Energy 12 et que s'il l'aimait vraiment, leur gosse, il l'aurait pas appelé Tyrone. Déjà. Tyrone, c'est un prénom que tu donnes à un enfant quand tu veux faire du tuning mais que t'as pas de voiture. Après, pire que les parents d'élèves, il y a les profs parents d'élèves qui vont regarder le travail de leurs collègues en disant moi je ferais pas ça. Hein, parce que humainement, excusez-moi, mais c'est chiant un prof. Alors je sais bien qu'il constitue 89,9% de nos auditeurs, mais il faut quand même le dire, ils peuvent être un petit peu casse-couilles. Hein. Non, j'en ai plein autour de moi, je les connais. Hein. Ah, oui. Ah non mais regarde, ils veulent pas se griller. Non. Ils font un travail formidable, attention. Ils sont très mal payés, ils sont mal soutenus par leur ministère, on leur demande de faire des miracles avec que dalle. Ok, tout ça c'est vrai. Et pour être franc, on me donnerait un cajot rempli de Laurent Wauquiez ou une barquette remplie de Cahuzac, je les échangerais pas contre un prof. Mais socialement parlant, ils ont quand même un peu un pet au casque. Et c'est pas toi, Leïla, qui va me dire le contraire. Eh bien, t'as été prof, ça se sent. Hein. Oui. Moi, j'ai une amie d'enfance qui est devenue prof. L'autre fois, j'ai eu le malheur de l'interrompre pendant qu'elle me disait un truc. Elle a envoyé un mail à ma mère. Frédéric ne cesse de m'interrompre pendant le déjeuner. Veuillez à ce que cela ne se reproduise plus. Et président, c'est pareil. C'est comme par représentant de parents d'élèves. C'est aussi dur que de faire des claquettes sur des tessons de bouteille. Tu dois composer avec tes promesses de campagne, ta fidélité à ton parti, renvoyer l'ascenseur à tes mécènes. Vous croyez qu'à Londres, les gonzes qui ont payé 7000 euros pour manger avec Macron, ils l'ont fait uniquement pour le plaisir de le regarder mâcher. Tu dois aussi faire un geste vers tes adversaires politiques pour pas qu'ils bloquent toutes tes réformes. Les lobbies, les médias, la Banque Centrale, le FMI, l'OTAN, les États-Unis, l'Allemagne, Bruxelles. Je pense qu'au final, le seul truc que François Hollande a décidé durant ce quinquennat, c'est sa teinture. Et même ça, il y a sûrement un conseiller qui a dû lui dire « Ah non, ça vous vieillit. » Faut être fou pour devenir chef de quoi que ce soit dans ce pays. Pour être président, il s'agit pas d'avoir un petit quelque chose en plus, mais un gros quelque chose en moins. Du coup, les candidats à la présidentielle, tous les 5 ans, c'est une réunion de ce qui se fait de pire en matière de barjo. Le paradoxe, c'est qu'un candidat sain d'esprit, eh ben, c'est un candidat qui se présente pas. Merci pour les La bande originale, Nadi, sur France Inter. Pour en revenir et pour rester d'ailleurs dans le monde des parents et des enfants, les enfants sont très présents dans vos films, Justine Trier, que ce soit... Que ce soit dans le premier. Non, dans la bataille de Solferino. La bataille de Solferino, il y avait. Ils étaient déjà deux. C'est les mêmes. Il y a ma fille et la fille de ma meilleure amie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est votre doudou, votre porte-bonheur de mettre ses enfants dans vos films. Non, moi j'aime beaucoup justement que ça fait partie de la vie, j'adore ça. D'ailleurs, j'aimerais qu'il y en ait. Là, je voulais même embaucher la fille de Virginie, mais je me suis dit, est-ce que je peux pas prendre. C'était un plateau très enfant-friendly, quoi. C'est-à-dire, ma fille, elle venait aussi. Il faut dire que c'était un tel bordel dans cet appartement que les enfants vivaient en toute autonomie. Les vivants, tu as dit les vivants. Il va falloir consulter. Voici la bande originale. On va recevoir dans quelques minutes, puisque il faut quand même préciser que Virginie Efira est avocate dans le film Victoria. On va recevoir Stéphane Durand-Soufflant, qui est journaliste, chroniqueur judiciaire et qui a bien regardé la scène dans le film du tribunal, et notamment ce chien qui est appelé à la barre. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, la bande originale. En musique, comme ça, trois dates de la vie de Virginie Efira et Justine Trier qui sont nos invités. On va commencer en 2003. Virginie Efira, écoutez. White Stripes. C'est pour toi, c'est pour ça que j'ai mis ce pull pour toi. Yeah. Seven Nation Army, en 2003, cette musique et cette date, dans quelle situation vous retrouvez-vous, Virginie? Je me demande si c'est pas la nouvelle star, je présentais pas cette émission-là, je suis nulle en année, toi. J'arrive dans le couloir d'M6, à la rencontre de Thomas Valentin, et le parquet... Et je confirme, le parquet est extrêmement ciré au dernier beaucoup étage. Beaucoup trop ciré. Vraiment qui brille, quoi. Du coup, tu te plantes la tronche. Vous avez vraiment... J'ai vraiment glissé, oui. Vraiment glissé. Enfin, il m'a rattrapé très élégamment, quoi. Mais c'est un toboggan. Direct, elle est tombée dans ses bras. Non, mais pour revenir à la musique, c'était quand même chouette en prime time, comme on dit, d'avoir des choix musicaux qui soient pas que. J'ai cru qu'elle allait vomir. Il y a un morceau de cookie sur le mot. Du coup, j'ai fait le son. J'ai vu voler un grumeau, moi. Non, excusez-moi. C'est pas grave. Non, mais de la soupe. Enfin, je veux dire, c'était des morceaux choisis. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de cette année-là, il y avait beaucoup de gens qui chantaient cette chanson qui est quand même vachement bien, quoi. Voilà. Justine Trier, vous écoutiez. Décidément, on a rendez-vous régulier avec Dr. Dre. Ah, c'est génial. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Totalement BO de film en plus. Bah ouais. Je sais pas combien de films au monde ont dû se servir de cette musique comme BO. C'est pas très original. Non, moi ça me rappelle les fêtes. Au Beaux-Arts. Oui, au Beaux-Arts, avec d'autres amis aussi. Enfin voilà, des fêtes où on écoutait beaucoup de. En général, on n'est pas seul à une fête. Je fais une fête avec des amis. À part Ken Kojandi, que nous saluons à nouveau. Et Qu'est-ce qu'il a fait? Et son pote Ken, pourquoi vous parlez de lui? Non, parce que. Bien sûr. Onan. Évidemment. Oui, vous avez fait les Beaux-Arts, mais section peinture. Enfin oui, un an seulement, après je suis passée en vidéo. Est-ce que ça a une influence, voilà, j'allais dire, quelle influence ça a sur votre travail en vidéo? Ah, je pense vraiment aucun. Est-ce que vous réglez la chroma? Non, même pas. La spontanéité de la réponse. Vraiment, j'aurais du mal à tisser des liens là. En 2007, Virginie Efira se lance dans la fiction et elle écoute à ce moment-là. C'est pas vrai du tout en fait. Je voulais réécouter la chanson de Whitney Houston qui est d'Anthony Herman. Bah c'est ça. Mais oui, mais j'écoutais pas ça. Je me suis dit, j'ai trop envie d'écouter. Attends, PVC quand elle monte là. Mais non, ça c'est pas encore quand elle monte. Mais c'est toi qui me dis que t'aimes pas la soupe. Oui, si, mais il y a des soupes formidables. Vous l'avez vu, Tony Herman? Cette scène est géniale, le film de Ma Reine à deux, magique. Ouais. Donc j'écoutais pas du tout ça, mais quand elle chante cette chanson dans le film, il y a un truc sur l'espèce de croyance premier degré, enfin, qui est magnifique, quoi. Voilà, mais donc je voulais réécouter. Effectivement, il y a c'est un peu de la soupe, mais il y a de la soupe, je sais pas, qui donne de l'élan. Il y a de la bonne soupe. Il y a de la très bonne soupe. Vous jouez dans off, alors je sais pas, il faut dire off prime ou off prime time. Quoi. Enfin, c'était c'était le prime time, mais tout ce qui est en off. C'est avec Simon Astier, Alban Lenoir et Bruno Solo que vous êtes. Enfin, et puis il y en a d'autres, Yann Guazampi et Christophe Faure. Mais alors parlons de Bruno Solo. C'est lui, c'est vous qui êtes allé chercher qui pour faire le premier pas dans la fiction, puisque c'est votre premier pas en fiction. Oui. Enfin, j'en ai fait pas mal en Belgique et tout ça, mais bon, là, j'étais animatrice, donc je voyais pas très bien comment faire le lien entre les deux. Quoi qu'il en soit, c'était assez chouette parce que c'était pas du tout mon idée, mais j'ai trouvé l'idée marrante. C'était de jouer avec son propre nom, quelqu'un qui était animatrice télé et qui avait le grand désir de vouloir jouer, mais surtout dans un désir d'y trouver probablement de l'amour à un endroit public. Je raconte n'importe quoi, là, je m'embarque, je comprends rien. On est un journaliste de Libé. Avec les molécules et la vibration, n'est-ce pas, Nagui? N'importe quoi. Non, mais je jouais mon propre rôle, ce qui était marrant. Je vais essayer d'y arriver. Elle se fatigue toute seule, ouais. Je sens la lassitude. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un vigile dans le studio pour évacuer Madame Efira? C'était marrant de cette série parce que c'était jouer une animatrice télé avec tout le grotesque. C'est vrai, Nagui, tout le grotesque que peut avoir un animateur télé dans cette espèce de confiance en lui-même, etc. Et je jouais. J'ai pas du tout aimé le c'est vrai, Nagui, au milieu de la phrase. Mais non, vous voyez ce que là, je veux dire sur bien. Les trucs. Et donc, c'était marrant de raconter des coulisses fausses, etc. J'étais prête à draguer Obispo pour participer à une chanson caritative dans un désir éperdu de notoriété crasse. Enfin, donc, il y avait des trucs marrants à raconter. Et ça, j'aimais bien, en fait. J'aimais bien ce projet. Vous aviez pris part à l'écriture aussi à côté d'Astier, de Solo? Oui, un peu. Non, c'était surtout Simon Astier, frère d'Alexandre. Ouais. D'accord. Dans cette même année, Justine Triet écoutait Sébastien Tellier. Où est-ce que tu penses? C'était plus chic quand même. Ah bah c'est Justine Triet. Ouais. Elle a la carte. Ah bah, c'est horrible. C'est France Inter. Elle avait des chic et flop, hein, vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit vous vous accordez à un régime existentiel de vaste dérèglement moléculaire. Non, excusez-moi. Là, il n'y a pas de faille, là. Ouais. J'adore cette chanson. Belle, alors, j'ai appris que c'était il se confie à son psy, les paroles. Ah oui. Parce que j'ai longtemps demandé. Mais il dit toujours la même chose. Hein. Oui, mais je me suis dit, mais pourquoi il dit qu'est-ce que ça signifie ces mots? Et en même temps, c'est apparemment ces paroles confiées à son psy. Quoi. Il y a Augustin Trapenard qui gratte à la porte, qui veut vous interviewer. C'est l'année. Pardon, ça fait vraiment. 2007, c'est l'année où vous mettez un doigt de pied dans Solferino. C'est le début de votre. Ouais. Quête autour de Solferino. Exactement. Jusqu'en 2012. Exactement. Ségolène Royal, oui. Un film très, très. Enfin, vraiment un bide. Un doc, en fait. Oui, un doc et puis surtout un bide qui va nulle part. Et qui, par contre, me permet d'écrire après ce film, La Bataille. De tourner un documentaire et ensuite un long métrage dans l'urgence d'une soirée, parce que c'était ça aussi le pari. Ouais. C'était à la fois de mélanger la réalité et la fiction, mais d'avoir l'obligation de tout tourner pendant que le soir de l'élection se déroule. Exactement. Enfin, après, on a tourné 20 jours, mais c'est vrai qu'il y a une scène très importante qui se passe. Enfin, le film se passe ce jour-là. Il fallait évidemment jouer sur quelque chose qu'on maîtrise pas, quoi. C'est-à-dire, on sait pas si ça va être Sarkozy, Hollande. Donc, tout ça est très, très excitant de travailler dans ces conditions-là. Et les acteurs se sont prêtés à ce jeu-là formidablement, quoi. Avec Vincent Macken qui jouait un père complètement hystérique dans la foule et que les gens prenaient vraiment pour un vrai père complètement fou. Donc voilà, donc tout ça a été très excitant à fabriquer. Comme la journaliste qu'on a pris pour une vraie journaliste aussi. Oui, qui était interprétée par Laetitia Dosch. Et donc, si j'ai bien compris, à la Bastille, c'était que des figurants. Oui, exactement. Oui, budget colossal, du coup. Mon film le plus cher. Ouais, c'est ça. En 2013, Virginie écoute Elliott Smith. Something's happening, don't speak too soon. Don't bounce off and make my move. Got nowhere to go. Cette musique vous fait passer à la naissance de votre enfant ou au tournage de 20 ans d'écart? Parce que tout ça est un peu la même année. Non, je sais pas. En fait, je suis hyper nulle en hyperade des années, souvenirs. Non, mais je sais jamais. Par exemple, quand vous alliez à la maternité, moi je me souviens très bien de la musique que j'écoutais quand j'allais à la maternité pour la naissance de chacun de mes enfants. C'est moment. C'est un moment. Non, mais c'est vrai que j'avais fait une liste. Est-ce que t'écoutes de la musique, toi? Non, j'avais fait une liste pour l'accouchement. Enfin, je veux dire. Pour l'accouchement. Oui, en me disant, c'est bien si elle arrive sur telle musique. Et je crois qu'elle était dedans. Pourtant, le type Elliott Smith, c'est pas la vie la plus folle. Je veux dire. Non, mais c'est sa musique, c'est pas sa vie. Ouais, non, mais je trouve que c'est d'une grandeur folle. Il y a eu un avant et après 20 ans d'écart pour vous dans votre carrière? Je sais pas si ça existe vraiment les avant, après, comme ça. Mais oui, parce que, en tout cas, j'ai conscientisé sur 20 ans d'écart. j'aimais tout ce qui se passait autour de moi. Je trouvais que c'était une comédie qui ne se défaisait pas pour autant de l'idée de cinéma. Ça veut dire de cinéma, c'est-à-dire l'idée d'une réalisation d'un point de vue éthique, esthétique, quoi. Et ça, j'aimais bien. Il y a quand même eu L'amour, c'est mieux à deux aussi. Ouais. Et qui était très bien. Ouais. Non, mais il y a eu plein qui sont très bien. Oui, mais tu veux dire dans cette veine-là. Et... Oui, bien sûr. Mais alors, mon application était moins forte sur L'amour, c'est mieux à deux. Ouais. Oh non, ça a hyper bien marché ce film-là. Mais 20 ans aussi. Ah oui, 20 ans aussi. Mais bon, j'avais coécrit avec le metteur en scène. Enfin, c'était une autre implication, quoi. Voilà. Alors ce monsieur qui est très sérieux au milieu de toutes nos folies, qui s'est assis à notre table, et merci Stéphane. Plaisir de vous accueillir. On se serre la main. On se serre la main. Audio oui. description. Oui, parce qu'on est poli. Stéphane Durand-Soufflant, donc vous êtes journaliste chroniqueur judiciaire au Figaro. Vous avez assisté à plusieurs procès d'assises. Vous êtes même président de l'association de la presse judiciaire pendant 3 ans. Vous l'avez été, en tout cas. Vous avez publié Frissons d'assises en octobre 2012 aux éditions de Noël. Et vous avez vu Victoria. Ouais. Et on voit plusieurs comportements de l'avocate qui, moi, m'ont troublé au point de vouloir vous demander si ça existe, par exemple, qu'une avocate soit suspendue pour croiser un témoin d'une affaire ou lui faire un bisou, je sais plus ce qui se passe. Enfin, vous faites gueuler en ayant croisé un témoin de... Ouais, je parle avec elle. Vous n'avez pas le droit de parler et elle est suspendue X mois. Elle fait pas grand-chose. Hein, non, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais elle lui dit, j'ai pas le droit de te parler. Oui, ça c'est vrai. Les avocats en France sont pas des enquêteurs. Il y a pas, oui, mais qu'est-ce qu'il risque s'il croise quelqu'un au café? Eh ben, faut qu'il s'en aille. Et ouais. Le problème, faut pas, c'est qu'il ne faut pas qu'il se fasse prendre, en tout cas. Il ne faut pas qu'il y ait un soupçon de... Et s'ils se font prendre, comme dans le film, il y a vraiment... Il doit y avoir une audience disciplinaire. Quelqu'un a dénoncé en disant « l'avocate a fait ci, a fait ça ». Donc le conseil de l'ordre a été saisi. C'est la petite audience qu'on voit là. Voilà. Et je voulais dire juste un truc, c'est que Virginie Efira est épatante en avocate. C'est pas un documentaire sur la justice, le film, bien que, je sais pas si on en parlera, mais l'expertise du chien, c'est vrai, ça existe, je l'ai apporté merci. Là. Merci de le dire. Parce que vous êtes basé sur un fait réel que vous connaissez. Oui, tout à fait. C'est une histoire hallucinante, d'ailleurs. Ah bah, je vous laisse en parler mieux. Elle est formidable dans les scènes d'audience. Elle questionne exactement comme les vrais avocats. Ah ouais? Ouais. Bah ouais. Avec des plus jolies chaussures. Ah bon, je suis bien. Très jolies chaussures. Mais préparer le rôle. Mais c'est souvent pas bien les scènes d'audience dans les. Nous, quand on passe notre journée aux assises, là, c'est vraiment très très très bonne façon de questionner. Alors le chien, vous voulez le chien? Mais juste avant, est-ce que Virginie défend dans ce film un ami, ce qui fait que ensuite elle croise forcément des amis communs, ce qui fait qu'elle est ensuite interdite de plaider pour 6 mois. Est-ce que un avocat a vraiment le droit dans ces cas-là, de défendre un proche bien sûr, oui. On peut défendre un proche. Vous parliez tout à l'heure de Cahuzac, deux avocats est un ami d'enfance ou un très vieil ami à lui. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, et ce qu'on voit bien dans le film... Joué par Melville Poupeau, oui. Voilà, c'est Melville Poupeau qui garde sa cravate en garde à vue, ça c'est pas possible. Mais ça met l'avocat forcément dans une situation très compliquée. Quand on défend un ami, on n'est pas forcément... Alors soit on a une autorité, on peut lui dire « ça tu peux pas le faire, je te l'interdis ». Mais c'est très délicat. Et elle le dit, on voit bien dans le film, elle veut pas le prendre ce client-là, elle en veut pas. Alors il faut expliquer l'histoire du... Parce qu'on n'arrête pas de dire scène du chien, chien. Les gens n'ont rien compris, c'est un peu particulier. Il y a une dame ou demoiselle, je ne sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs, qui se retrouve avec un couteau de cuisine dans le ventre, et on accuse le mari, en l'occurrence Melville Poupeau, d'avoir planté ce couteau de cuisine. Et lui il dit, mais pas du tout, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui se l'est mise, qui a mis tout ça, ce couteau, pour m'accuser, c'est une folle, c'est dingue. Et seul témoin de cette scène, un dalmatien. C'est ça, hein. C'est ça, c'est exactement Jacques, ça. Hein, ouais, Jacques, exactement. Et là, vous dites c'est vrai. Alors, il y a une vraie histoire, une vraie affaire criminelle. C'est une femme qu'on avait retrouvée pendue dans sa péniche, une riche héritière. Et deux hommes ont été accusés de l'avoir tuée. Et elle avait un chien, un dalmatien. Lui, il s'appelait Théo. Et le juge d'instruction, alors je l'ai apporté là, audio description. C'est le vrai en plus. C'est la vraie expertise du professeur Mouton. Et commis par le juge d'instruction. Arrêtez de rire, vous êtes vache. pour expertiser le chien Théo. Et c'est délirant. C'est-à-dire que quand même, il y a deux types qui sont en cour d'assises qui risquent, je crois que c'est la perpétuité. Et donc, si vous voulez, on leur oppose l'expertise d'un chien. Et alors, vous verrez, alors, il remue la queue, il remue pas la queue. Il y a des généralités absolument affligeantes sur les chiens qui peuvent être têtus, mais qui est intelligent et amical. Il est obéissant aux frondeurs, il est confiant ou réservé. Enfin, vous voyez, comme vous, quoi. Enfin, je vous en prie. C'était vrai pour le Romu la queue, mais pas pour le reste. Et voilà. Et donc, on lui présente. Ça date de quand, tout ça ? Alors ça, je vais vous dire, c'est une expertise du 19 décembre 2008. D'accord. Je ne sais pas si vous le saviez, si c'est écrit, c'est Dupond-Moretti qui absolument. Était... Absolument. Et Dupond-Moretti donc, était l'avocat d'un des deux accusés en appel. Il n'était pas au premier, donc, parce qu'ils ont été acquittés en première instance et le parquet a fait appel. Il n'y a aucune charge contre eux. Hein. C'est une histoire de famille. Bon. Et Dupond-Moretti, donc, le célèbre avocat, était l'avocat d'un des deux et il m'avait dit « je vais faire citer le chien comme témoin ». Et malheureusement, Théo était décédé. Il aurait pu, mais bon, alors ça, je pense que c'est impossible parce que le code de procédure pénale dispose que le témoin doit lever la main et dire je le jure. Et un chien ne peut apparemment pas le faire. Je savais pas ça que Dupond-Moretti avait demandé ça, je savais pas. Mais il voulait, mais il s'est rendu compte que Théo était décédé. Et quelqu'un a fait disparaître le chien. Ah bon, mais c'était pas dans sa plaidoirie. Oui, mais je sais, mais naturel. Les morts naturelles, où est-ce qu'on supprime des témoins ? Ça, témoin. Il y avait une souris en témoin. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est juste une expertise de chien. Mais là, pardon. Il y a une histoire avec des perroquets aussi, une histoire fabuleuse aussi, avec un perroquet qui a. Enfin, qui a fait tomber quelqu'un comme ça, qui a répété quelque chose. Enfin, il y a plein d'histoires avec des animaux. Oui, elle les connaît toutes, Justine. Vraiment, il y a un documentaire à faire là-dessus. Oui, c'est prochain film, extraordinaire. Non, non. Mais comment vous êtes tombée sur ce fait divers Je regardais vraiment tout à l'époque. J'étais un peu obnubilée par ça. Et c'est vrai qu'il faut savoir que dans le pénal, voilà, il y a beaucoup d'histoires assez sordides. Et que ça, c'était un peu une histoire qui malgré la fin tragique de cette femme, effectivement, amenait quelque chose de burlesque qui, moi, m'amusait. Et je pouvais broder des choses un peu plus fantasques autour, quoi. Et en quoi votre personnage, Victoria, avait besoin d'être avocate? Pourquoi ce métier-là en particulier? C'est très cinégénique. Enfin, c'est un métier qui fait que du coup tout est vu à travers voilà les. En plus, moi, je pouvais faire des échos par rapport à son amie qu'elle défend sur ses histoires sexuelles. Enfin, et puis c'est la justice qui juge. Donc du coup, tout à coup, toutes ces histoires privées sont regardées par le regard de la justice. Donc ça fait plein de situations très burlesques, très drôles, qui sont amplifiées par ce regard-là. Donc moi, c'était voilà. Et puis, il y a un double procès en cours quand même. Voilà. Donc à la fois, il y a son ex qui crie des choses. Qui raconte sa vie sexuelle sur oui, un blog. Oui, donc sur toute l'idée de la vérité. Oui, pardon, j'ai pas raconté ça. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez, Stéphane, qu'on va finir par avoir une chaîne entièrement dédiée au procès et que ça va devenir monnaie courante de regarder des procès en direct à la télé? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les procès... sont tous filmés? Non, ils sont jamais filmés, c'est interdit. Mais c'est assez ennuyeux, un procès, souvent, il y a des tunnels dans les procès. C'est très long. Donc, on veut regarder un procès, c'est mon métier, donc moi je le fais pour l'argent, mais pour le plaisir aussi. Mais il y a quand même des moments, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un chien qui vient. Ah, non, oui, mais il oui. y a toujours des... Donc notre métier, c'est de raconter de façon très vivante, avec les bons moments, les choses qui sont signifiantes. C'est des heures d'attente. Il y a beaucoup d'attente, c'est un peu comme au cinéma, je suppose, mais vous avez des témoins qui n'ont rien à dire. C'est très long. Vous voulez dire c'est un peu au cinéma quand on tourne un film? Oui. Oui, parce que j'ai eu peur, mais parce que là, c'est très long. Le film, après lui, il est très dense. Oui, il paraît qu'on attend beaucoup au cinéma, qu'il y a entre des prises. La grande phrase de Louis Jouvet, c'est le plus dur au cinéma, c'est trouver une chaise où s'asseoir. Je crois que c'est. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est Jouvet ou pas? Bon, en tout cas, bon, c'est une phrase qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y a un procès qui vous a marqué dans votre carrière ou dans et qui mériterait d'être le sujet d'un film? Oh bah, Cahuzac, Clearstream, Fourniret. Alors, la différence entre les vrais procès et les procès de cinéma. C'est que les vraies histoires sont toujours plus invraisemblables, plus extraordinaires que les scénarios. Oui. Parce que si vous allez voir un producteur avec un dossier, un vrai dossier judiciaire que vous avez transformé en scénario, vous donnez le truc et le producteur il va dire « Non, c'est super ton histoire, c'est vachement bien. Bon, faut enlever l'histoire de l'expertise du chien. Enfin, attends, l'expertise de chien, non. Là, c'est pas crédible. Ouais. Et en fait, c'est vrai. C'est fou. Et dans les vraies histoires, vous pouvez prendre tous les grands dossiers, il y a presque toujours des choses hallucinantes. Mmh. Quand les gens se mettent dans l'idée qu'il faut tuer quelqu'un, si vous voulez, c'est pas un métier qu'on apprend. Donc il y a beaucoup d'improvisation. La série de Staircase qu'il a est basée sur un fait réel. Le truc avec Jean-Xavier de l'Estrade. Ouais, c'est ça. Fantastique. Alors justement, c'était ma question. Quel est le film qui, pour vous, recrée le mieux une situation Alors les films de procès sont en général très ratés sur le plan. Parce que c'est. Je sais pas pourquoi. Même 12 hommes en colère. Alors voilà, 12 hommes en colère, mais c'est aux États-Unis. Henri Fonda, ça c'est exceptionnel. Et les films de Kayat dans les années 50-60, il y a des scènes comme ça qui sont parfois bonnes. Mais en général, les réalisateurs français sont mal à l'aise avec la théâtralité judiciaire réelle. Je ne sais pas pourquoi, pourtant... on voit bien quand Virginie Efira interroge l'ex de son client, qui en fait, on se rend compte que c'est sûrement une dingue qui poursuit tous ses anciens, tous ses ex. Elle lui fait très bien dire ça, on peut le faire. Mais les scénaristes se croient obligés d'inventer des choses pas du tout complètement artificielle qui, de mon point de vue, mais bon, moi je suis un peu puriste, mais n'apporte rien, alors que la vérité judiciaire est toujours exceptionnelle. Mm-hmm. Et un des derniers films de Reda Kateb, où il incarne ce chauffeur de taxi qui... C'est une histoire vraie, encore. Qui est une histoire vraie, qui a le malheur de rentrer chez une de ses clientes pour aller aux toilettes, et donc il y a ses empreintes. Avec Léa Drucker. Voilà, et qu'on soupçonne d'avoir enlevé l'enfant, donc ça c'était aussi un film... J'ai il y avait Présumé coupable aussi avec Toretton, qui revient sur l'affaire Outreau, et là on voit vraiment le fonctionnement de la justice, ça vous en pensez quoi? Toretton, il est très bon. C'est un très bon comédien. Franchement, je l'ai vu, ce film. Puis Outreau, alors j'ai fait beaucoup donné. Et c'est réaliste, c'est proche c'est de réaliste, de c'est réaliste, c'est conforme à la vision de l'huissier en l'espèce. Oui, c'est très fidèle à ce qu'a pu vivre l'huissier de l'histoire. Merci beaucoup Stéphane Durand-Soufflant d'être venu apporter votre témoignage. Je pense que c'est mieux qu'une n'importe quelle critique cinéma. Ouais, c'est génial. Merci. Merci. Merci. Que ce cher journaliste chroniqueur judiciaire au Figaro. Et merci d'avoir pris le temps de venir non pas au tribunal mais à notre table. Malheureusement, il y en a un ici parmi nous qui s'y connaît mieux que vous en justice, c'est Daniel Morin. Ouais. Est-ce qu'il faut, Daniel, s'inquiéter de l'évolution future? Très souvent condamné et très souvent condamnable surtout. Faut-il s'inquiéter des évolutions de notre justice, l'avenir? Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne, bon Dieu, cette question, monsieur Guy! Pourquoi? Je crois qu'elle pourrait figurer dans le top 3 des meilleures questions du monde! Vous êtes un génie d'interrogation! C'est ça, oui. Petit bémol. Ah. Toutefois, malheureusement, ce n'est pas la bonne question. Non, la bonne question, celle qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas, est pourquoi faut-il accélérer les évolutions de la justice? La réponse est aussi simple que limpide, mon bon monsieur Guy, parce qu'aujourd'hui la justice est lente, la justice est poussive, et nous avons besoin d'une justice plus claire, plus tranchée, c'est-à-dire d'une justice aveugle et expéditive. Regardez ce matin, France Inter, tout le monde cherchait Patrick Cohen. Dans les couloirs, on entendait Laurence, la directrice de France Inter, hurler comme une âme en peine, elle cherchait son Patrick comme une pauvresse. C'était consternant. Il était où ce matin, Patrick Cohen, hein? Eh ben, il était en direct de la prison. À Fresnes, exactement. Tout le monde le sait, Patrick Cohen. Il est impliqué dans des affaires louches. On sait pas trop quoi, mais on le sait. Ça suffit à le faire enfermer. Ça, c'est aveugle, ça, c'est expéditif, ça, c'est moderne. Un des trucs qui, aujourd'hui, freine notre justice, c'est cette connerie de présomption d'innocence. Ah, ce principe de précaution, ça pue la gauche bien pensante. Moi, je préfère de loin le bon vieux dicton « il n'y a pas de fumée sans feu ». Dicton plein de bon sens qui, s'il était inscrit dans le code pénal, permettrait à la justice de gagner un temps précieux. Exemple. La semaine dernière, pour la 35e fois cette année, André Manoukian a été entendu par la justice pour harcèlement sur chanteuse vierge. À chaque fois, c'est la même histoire. Ah, mais vous n'avez pas de preuve, monsieur le juge. C'est vrai, monsieur Manoukian, vous pouvez rentrer chez vous. Eh ben, avec inscrit dans la loi, il n'y a pas de fumée sans feu, on aurait plus de résultats. Reprenons le même exemple. Monsieur Manoukian, vous comparaissez pour la 35e fois pour harcèlement sur chanteuse vierge. Ah, vous n'avez pas de preuve, monsieur le juge. C'est vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu, je vous condamne à 25 ans de prison. C'est rapide, c'est compact, c'est efficace, c'est de la justice moderne. Comme quoi, vous voyez, monsieur Guy, en matière de justice, pas d'inquiétude à avoir, mais de l'action. Une fois de plus, désolé, mais vous avez dit n'importe quoi. Merci, Daniel. Présent également dans le film, la sexualité est très présente, que ce soit dans la bande-annonce ou dans le film en soi. Vous avez eu des doutes, des gênes, des questions sur... Il y a une scène en l'occurrence qui est particulièrement chaude, dirons-nous. Oui. Vous êtes posé la question de... Il n'y a plus le chien, là. De filmer. Non, il y a Vincent et Virginie, mais ayant là et la comédienne et la réalisatrice, est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce que vous lui demandez l'autorisation de filmer ses seins, son corps? Ah, bien sûr, bah, évidemment. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais oui, évidemment. Moi je suis très lâche. C'est-à-dire que j'arrive toujours au dernier moment. C'est-à-dire la veille du tournage ou le matin. On en parle très, très, très tard, quoi. Et d'un coup, au moment où elle peut plus dire non, quoi. Voilà. Non, mais il n'y a pas. Enfin, d'abord, c'est écrit quand même sur un scénario. Et puis. Mais il n'y a pas écrit ce qu'on voit. Non, il y a marqué ils s'embrassent, ils font l'amour. Hein, donc, oui, bon, c'était très vague. Non, je crois qu'on en a parlé avant, en fait. On a parlé un petit peu avant, quand même. On en a parlé un petit peu. Mais il y avait quand même une petite gêne. On était tous tendus de cette scène la veille. Et le matin, à 8h30, on démarre la scène. Donc, Virginie me demande de me dire, vas-y, montre-nous ce que tu veux qu'on fasse. Donc, alors fais-le toi. Avec Cynthia qui travaille avec Justine sur le plateau, à mimer le coït. C'était donc très... j'étais très embarrassée. Je me suis retrouvée toute seule avec tout le monde qui me regardait, 25 personnes qui me regardaient, et à avoir bien du mal à essayer de faire cette scène. Alors j'en parle parce que la sexualité est très présente, encore une fois, dans toile de fond du film. Mais dans une interview, j'ai rarement vu un réalisateur dire ça. La falaise. Dans une interview, vous avez dit: je voulais que l'on voit ses seins et ses fesses. Ah oui, tiens. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, je m'attendais pas à celle-là, en fait. Mais... Oui, bah moi, je veux dire, parce que je suis une femme, donc je peux me le permettre aussi. Un homme dirait ça, ça serait tout de suite taxé de voilà. Non, moi, je pense que c'est important. Et en plus, moi, je trouve que voilà, j'adore Virginie. Je l'ai voulu aussi pour son corps, pour ce qu'elle représente, mais aussi pour son corps. Et je trouve ça intéressant de la montrer. Richard, tapis romantique. Évidemment, évidemment. C'est trop tard, on parle après les infos, parce que là, il est midi sur la terre. On va prendre une douche. Même si c'était passionnant. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Notre invitée est une Violetta extraordinaire. Elle joue et chante la Traviata avec beaucoup de talent. C'est Judith Chemla. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. J'aime dire ça. Voici le journal. Et en l'occurrence, c'est Lionel Thompson pour les infos. Et on commence avec le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale publié ce matin. La Cour des comptes s'inquiète du remboursement de plus en plus faible des soins dentaires. Les magistrats notent que cela conduit de plus en plus de patients modestes à renoncer aux soins. Ils préconisent un meilleur remboursement et davantage d'encadrement des dentistes. Les précisions de Véronique Julia. En 2015, une enquête montrait que près de 40% des Français avaient renoncé à se faire soigner les dents pour des raisons financières. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne et ça s'explique. En France, la Cour relève que pour les prothèses et les appareils dentaires, les tarifs sont libres et qu'ils augmentent de 2% par an depuis 10 ans. La Sécu, elle, rembourse faiblement les soins dentaires. Sa prise en charge ne couvre en moyenne que 33% des frais quand les complémentaires et les assurés eux-mêmes assument l'essentiel des dépenses. À cela s'ajoutent des inégalités territoriales avec des densités de médecins et des pratiques tarifaires variées et des contrôles insuffisants de la profession, nous dit la Cour, tant sur les tarifs pratiqués que sur la qualité et la sécurité des cabinets dentaires. Les sages regrettent également une politique de prévention trop timide. Elle existe pour les enfants, en revanche, rien pour les adultes et très peu pour les personnes âgées ou les détenus. Toutes ces remarques arrivent à point nommé puisque la Sécurité sociale ouvre précisément cet automne une négociation avec la profession. La feuille de route donnée par la ministre de la Santé, c'est de revaloriser certains actes dont les tarifs n'ont pas été relevés depuis longtemps, mais aussi de réguler les dépassements d'honoraires. Et la Cour d'appel appelle par ailleurs à un retour à l'équilibre de la sécurité sociale dès 2019. L'UNEDIC prévoit une baisse de 124 000 chômeurs de catégorie A cette année, mais une hausse de ces mêmes demandeurs d'emploi de 79 000 l'an prochain. Le déficit de l'assurance chômage devrait être de 4,3 milliards d'euros cette année, 100 millions de moins que l'an passé. L'UNEDIC pense ramener ce déficit à 3,6 milliards d'ici fin 2019. 8 personnes ont été arrêtées la nuit dernière à Nice dans les environs dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet dernier dans cette ville. Il s'agit de 8 hommes qui feraient partie de l'entourage de l'auteur de l'attaque. Selon les policiers, ils seraient en garde à vue pour procéder à de simples vérifications. 6 personnes sont pour l'instant mises en examen dans cette enquête. L'ONU suspend ses convois humanitaires en Syrie après la reprise des bombardements depuis hier. La trêve soutenue par les États-Unis et la Russie n'aura tenu qu'une semaine. Un convoi humanitaire du Croissant Rouge a été bombardé dans la région d'Alep. 12 personnes ont été tuées, dont au moins un membre de l'ONG. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré de son côté 36 civils tués depuis la reprise des bombardements hier. Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour venir en Europe cette année, selon le HCR. Selon l'agence de l'ONU, c'est aussi l'année la plus meurtrière pour ces migrants qui font souvent naufrage en mer. De graves incidents se poursuivent en République démocratique du Congo. Le siège du principal parti d'opposition a été incendié cette nuit à Kinshasa, la capitale. Au moins 3 personnes ont été tuées dans l'incendie. Hier déjà, des heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Le bilan officiel fait état d'au moins 17 morts. L'opposition parle, elle, d'au moins 50 morts. Retour en France pour les athlètes français des Jeux paralympiques qui se sont achevés ce week-end à Rio. Malgré un bilan un peu moins bon que prévu, avec 28 médailles dont 9 en or, la délégation française est tout de même satisfaite. Une réception officielle lui était réservée ce matin à l'aéroport. Les athlètes ont pu mesurer l'engouement grandissant qui entoure leur performance, de mieux en mieux médiatisée. Écoutez la réaction de l'une des stars françaises des Jeux, Amélie Le Fur, qui a remporté 2 médailles d'or et une de bronze en athlétisme. On est toujours assez surpris d'avoir un très très beau comité d'accueil comme ça. Et c'est toujours agréable de recevoir autant de félicitations du monde politique, du monde institutionnel et, et de toutes les personnes qui reconnaissent les performances de cette équipe de France. Et vous savez que vous avez suscité beaucoup d'émotions hein, en France. Rien que vous, Marie-Amélie Le Fur, vous avez attiré 1,6 million de téléspectateurs sur France 2 pour votre médaille d'or en saut en longueur. Et il était pourtant quasiment 23 heures. Ça vous touche ? Oui, ça me touche. Après, je pense que je n'étais pas la seule. C'est l'ensemble de l'équipe de France voilà, qui vraiment a fait ses audiences, a permis d'offrir de belles images qui ont été très, très bien acceptées en France. Donc on mesure pas encore actuellement parce que voilà de Rio on peut pas voir en fait la façon dont ça a été suivi et ce qu'ont vécu les gens. Je pense qu'on va le découvrir dans les prochains jours, dès l'instant qu'on va commencer tout ça à rentrer chez nous. Amélie Le Fur interrogée sur France Info. Et puis attention, si vous circulez en moto ou en scooter, à partir du 20 novembre, les gants seront obligatoires. C'est la sécurité routière qui le rappelle ce matin. Cette mesure vise évidemment à limiter les blessures graves aux mains en cas de chute. Ceux qui continueront à circuler les mains nues s'exposeront à une amende de 68 € et au retrait d'un point de permis. Le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Double affiche découverte cette semaine au Studio 105. Adrien Souleymane, qui du rugby au saxophone jusqu'à la musique improvisée, fait un atterrissage réussi dans la chanson. Puis Adam Nas, 23 ans, qui a failli s'appeler l'Aigle Noir en hommage à Barbara, avant de se faire rattraper par la soul de Sam Cooke. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. Rembrandt Intime, jusqu'au 23 janvier, au musée Jacquemart-André à Paris. Considéré comme le plus grand maître de l'art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé l'art de son temps. En une cinquantaine de peintures, dessins et gravures, exceptionnellement réunis autour des chefs-d'œuvre de la collection Jacquemart-André, découvrez le génie de Rembrandt dans l'intimité de sa création. Retrouvez l'exposition Rembrandt Intime dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. 12h06, on vous retrouve Nagui avec la bande originale et ce matin, Justine Triet et Virginie Efira. Exactement, vous avez tout dit, vous savez tout, c'est normal, vous êtes journaliste à Inter. Merci Lionel Thompson, toute l'après-midi sera là pour nous informer et Bruno Duvic viendra pour le journal de 13h. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi. Bonjour à tous. Sam Villa. Bonjour. Frédéric Sigrist. Bonjour. Daniel Morin. Bonjour. Richard Lornac. Bonjour. Et nos invités donc, Justine Triet et Virginie Fira. Bravo. Nous avons quitté Virginie Fira au moment où elle voulait absolument rajouter quelque chose à propos de la scène d'amour qu'il y a dans le film. Parce que je ne savais pas que Justine a dit que je voulais absolument qu'on monte ses seins, ses fesses, etc. Mais en fait, c'était surtout, je pense... Oui, non, mais attendez, pardon, elle l'a dit. Virginie, elle l'a dit. Non, tout à fait, je l'ai dit. Et on est ravis. Mais pareil. Parce que je rêvais, je me dis, quand vais-je enfin pouvoir les exposer ? Et voilà que... Le film raconte quelqu'un qui est en plein néant sexuel, qui n'arrive pas, qui cherche un autre lien qu'un lien cérébral au monde. Mais qui n'est plus lié, voilà. Et donc elle fait des rencontres sur Tinder et tout ça où il se passe rien, pas grand chose. Et donc il fallait effectivement. À un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Il faut y aller, quoi. Bien sûr, il faut y aller. Il faut montrer ce que c'est que l'abandon, quoi. Et donc effectivement, la scène avec Vincent Lacoste, avec le personnage de Sam, il fallait qu'il y ait quelque chose qui existe. Oui. Et c'est vrai d'ailleurs que la scène au final dans le film dure assez longtemps pour ce genre de film en plus. Et à tourner, ça a quand même été toute la journée. 8 heures, ouais. Après, on parlait de la gêne et l'embarras. C'est-à-dire que ni Vincent ni moi n'avons une grande habitude de tout ça, Justine non plus, ce qui fait qu'elle était complètement... Elle me disait, bon, alors quand vous allez faire la chose Non, tout le monde était tendu, donc je disais, ah bon, alors oui, d'accord, on va faire la chose. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, Vincent et moi, on a bien aimé le faire. Alors que je vois souvent des interviews de comédiens qui disent, vous savez, c'est très technique, c'est très chiant, atroce, etc. Ben nous, on a trouvé ça assez bien. C'est très plaisant. C'est vrai. Il y a eu un moment. Parce que Justine était à côté de nous finalement, donc on l'a rapatriée dans la chambre à côté. Et, je sais pas, elle avait très chaud, donc elle s'est déshabillée. Non. Mais d'ailleurs, on a un autre expert qui va venir aussi. Non, il faisait 50 degrés dans le studio. C'est pour ça. Carondé, j'ai juste remonté un peu ma chemise, mais j'étais pas. Oui, c'était rigolo. Et elle nous donnait, elle regardait le Virginie combo. Virginie le regrette. Non, mais elle nous donnait des ordres un peu. Elle disait, fais ci, descends, machin, etc. Parfois, elle se laissait aller. Elle fait, prends la chemise. Il faut que le bouton saute ou bien en plein coït simulé. Elle disait à Vincent, dis-lui qu'elle est belle. elle. Enfin, donc on avait des fous rires parce que c'était. Et en même temps, le fait d'être orienté comme ça, c'était assez troublant parce qu'il y a un mélange d'abandon. Rassurons ceux qui ne sont pas encore allés au cinéma. Ceci n'est pas l'intégralité du film. C'est l'une des scènes. Ils vont être déçus sinon. Mais qui est. C'est pas un film de boulot, on est d'accord. C'est un film de comédie. C'est un film social puisque encore une fois, on revient avec ses applications, avec Internet, avec la manière dont une quadra peut essayer de se sortir de ses problèmes professionnels, de ses problèmes relationnels, de ses problèmes affectifs, de son rôle de maman et de son rôle d'avocate et conjuguer vie professionnelle et vie privée, ce qui est encore une fois encore plus difficile, et c'est là où le point de vue du féminin est intéressant, parce que on va dire que pour un mec c'est facile, mais pour une femme ça l'est beaucoup moins en 2016. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est Pour une femme célibataire avec deux enfants, conjuguée, travail. Non, je crois que c'est difficile pour tout le monde, non? Bah oui, c'est difficile. Enfin, tu vois, la culture de la performance et du résultat, c'est quand même. Alors peut-être qu'un peu plus de pression sur les femmes. On en revient, faut pas accabler les femmes et le féminisme et ainsi de suite. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une époque. Oui, le film se plaint pas de ça, mais effectivement, ça montre une façon de vivre contemporaine, avec le boulot, tout ça, et les emmerdements, parce qu'il y en a quand même des emmerdements plus particuliers que d'autres. Mais c'est une femme qui assume. Qui assume sa sexualité. Oui, tout à fait. Qui assume ses envies. Tout à fait, son manque de désir au début, après, tout ça. Est-ce que c'est le film que vous vouliez faire? Ou est-ce qu'il a fini par manquer quelque chose, par manque de moyens, manque de temps, manque de... Je sais pas. Non, mais c'est l'inverse. Moi, c'est vrai que... ça fait vraiment cirage de pompe, mais c'est vrai que vraiment, quand on a des comédiens comme Virginie Fira, Vincent Lacoste, Mel Bilbao, c'est très agréable parce qu'on a l'assentiment que ce qu'on a écrit est transcendé par moments. Voilà, pas toujours. Il y a des moments où on se bagarre, évidemment. C'est pas le monde des bisounours, mais par contre c'est vrai que quand elle fait son message pour le mariage devant la caméra, typiquement c'est plus drôle à faire quand on la voit faire, c'est plus intéressant quand on le voit écrit. Donc y a des d'où elle sort cette robe à paillettes dorées, Virginie? Ah, c'est moi qui de son dressing, c'est... oui, de chez moi. Non, mais c'est vrai, je l'ai acheté quand j'étais je vais nouveau raconter ma vie là. C'est une couverture de cerise. J'étais très très enceinte, mais vraiment énorme. Ouais. Hein, beaucoup trop énorme. Ah oui, bon, écoutez, je crée un grand silence. Et donc, j'avais vu cette robe que je n'ai jamais portée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée, en me disant, un jour, pourquoi tu reviendras à la normale et tu rentreras dans... C'était votre repère. Oui, je ne sais pas. Oui, ça me semblait tellement l'inverse de moi, quelqu'un qui porterait cette robe au moment où j'avais quand même une sorte de... où j'étais une chose gigantesque. De surcharge pondérale. Donc, je l'avais achetée. Et elle a servi pour le film. Elle raconte quelque chose du personnage que je trouve très à la fois sexy, mais maladroit, trop au-devant. Ouais, c'est tout la facette, quoi. Je trouve que tu as un dos incroyable, et effectivement... Non mais c'est intéressant, c'est une robe qui montre beaucoup le dos. Je pense que c'est un très beau compliment à une comédienne. T'es mieux de dos. Mais non, mais c'est intéressant, parce que souvent on montre les seins, effectivement, de Virginie, où on aurait mis évidemment une robe très très décolletée. Là, c'est intéressant de montrer son dos, de montrer que cette femme, qui... Oui, là, un peu comme Mireille Darc. Le plan dans la bande-annonce, où vous êtes au piano, notre robe, voilà, on voit le dos comme ça se dessiner, comme une forme de contrebasse. Enfin, c'était très très beau. Waouh. Ça me fait penser à Kiki de Montparnasse. Absolument. Moi, tu vois, j'avais la référence de Mireille Darc, évidemment, avec... Moi, c'est Kiki. Enchanté, moi, c'est Nagui. Voici Daniel Morin. Oh non. On les gueule, les amis, aujourd'hui, 20 septembre, c'est la journée européenne de la prostate. C'est génial. C'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion. Saluons, même s'il n'est plus des nôtres, la belle initiative de Michel Simès. Aujourd'hui, l'animateur préféré des Français malades se promènera toute la journée sur les Champs-Élysées, la main gantée, pour offrir à tous ceux qui le souhaitent un examen prostatique et festif à la fois de la prostate. Un examen gratuit que le docteur offrira de bon cœur aux hommes, bien sûr, mais aussi aux femmes, parité oblige. Le docteur appelle ça le petit geste commercial. Allez, ça suffit, arrêtons là avec le chapitre prévention médicale et art de vivre. Parlons événementiel à présent. En ce moment, vous entendez passer sur les antennes de Radio France ce petit message événementio sportivo caritatif. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Oui. On dirait pendant un film américain. Vertigo. La course pour la bonne cause, 22 étages, 365 marches pour soutenir l'action Play International. Play, c'est une association qui s'occupe de plus de 500 000 enfants dans une dizaine de pays pour les aider à s'éduquer. Alors, quoi qu'il faut faire? Eh ben, faut monter les 22 étages en courant. Mais attention, tu cours pas tout seul comme ça, comme un con, non. Dans les escaliers, il y aura des DJ avec du gros son à fond, des canons à confettis, des brumisateurs et au sommet, une vue panoramique. En gros, je résume, tu montes à pied alors qu'il y a quatre ascenseurs, tu arrives en sueur, au bord de la crise cardiaque, à moitié sourd, avec des confettis dans le slip, et tu gagnes rien. Ne rate pas l'événement, inscris-toi. Super bonne idée. En même temps, on pourrait organiser plein de trucs, plein d'événements à la maison de la radio, je vous jure, il y a de quoi. Angoisso, la course pour la bonne cause. Deux étages, 300 bureaux à visiter pour soutenir l'action de Emploi Fictif International. Emploi Fictif International, c'est une association créée par Radio France et qui s'occupe de plus de 550 salariés payés à rien foutre. Alors, quoi qu'il faut faire? Eh ben, faut les remettre au boulot. Mais attention, t'essayes pas de les remettre au boulot comme ça, tout seul, comme un con. Non, tu es accompagné par un vigile, le DRH et un psy. En gros, je résume, tu passes 24 heures dans les sous-sols de Radio France et tu essayes de remettre au boulot des gens qui, pour certains, n'ont pas travaillé depuis plus de 20 ans. Et tu gagnes rien. Ne rate pas l'événement. Inscris-toi. Ce serait bête. Non, ce serait bête de s'arrêter là. Fulguro Gastro, la course pour la bonne cause. Une cantine, 200 plats à goûter pour soutenir l'action de Virus Intestinal International. Virus Intestinal International, c'est une association créée par les habitués de la cantine de Radio France qui s'occupe de plus de 90 salariés infectés par jour. Alors, quoi qu'il faut faire? Bah, faut manger tous les plats sans être malade. Oh non. Mais attention, t'essayes pas de tout bouffer comme ça, tout seul, comme un con, non. Tu es accompagné par un médecin, une serpillière et un prêtre. En gros, je résume, tu passes 10 heures à la cantine de Radio France, tu goûtes à tous les plats, et si tu arrives à la fin sans avoir la gastro, eh ben, tu gagnes rien. Ne rate pas l'événement, inscris-toi. Il y a plein de trucs à faire comme ça quand on se met un petit peu à réfléchir. Voilà, c'est tout, à demain. Merci Daniel Brun. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Plein de trucs à faire également dans vos carrières. Vous serez prochainement Virginie Efira à l'affiche de Prix de cours d'Emmanuel Cuot avec Gilbert Melki. Vous savez déjà quand le film sort à peu près? Pas du tout. Merci. vous serez dans 10%, ça c'est une info, une rumeur? Ouais, j'ai commencé déjà à tourner. J'ai déjà commencé à tourner. Et voilà. Vous jouez votre propre rôle? Oui, oui, comme tous les acteurs qui ne sont pas les récurrents de la série. Ouais, quoi. Exact. Ouais. Quant à vous, Justine, vous avez déclaré dans vos interviews que vous vouliez faire un mélodrame. Ouais. Merci. Laisse-la tranquille. Oui, mais bah pourquoi pas. Non, mais vous êtes déjà dessus, vous l'avez non, déjà. Non, c'est un embryonnaire. En fait, ça nous fait bizarre de parler du futur, ce qu'on est. Bah oui, on est complètement dedans là. Dans... Il y a un effet postpartum dans un film aussi. Ouais. C'est vrai. Complètement. Bah ouais. Postpartum. Bah alors, oui. Vertigo. Non, latino. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Moutadi. Justine Trier, Virginie Efira, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Virginie Efira, je pense que ça devrait vous faire plaisir. Dalida, j'ai l'impression que vous avez encore beaucoup à prouver. Si j'ai encore beaucoup à prouver, j'espère pour moi, sinon ce serait triste. Mais c'est surtout pour vous, ou bien vous voulez vraiment... Mais je ne sais pas si c'est... Donner une idée aux autres, c'est-à-dire non, gommer c'est... l'image qu'on a pu donner à un certain moment. Non, je crois que c'est surtout, en tout cas, c'est sur... d'abord c'est toujours pour soi et après pour les autres, même si cela peut paraître égoïste, mais c'est comme ça. Car quand je suis dans la salle de répétition, studio de répétition, je vous assure, Jacques, c'est là le moment le plus heureux de ma vie, pourtant il n'y a pas de public. Mais moi, le moment le plus c'est heureux drôle, de ma vie... C'est drôle, cette interview de Garcimore. J'avais oublié. Moi, le moment le plus heureux de ma vie, c'est d'entendre la voix de Dalida. C'est au micro de Jacques Chancel, dans l'éternelle radioscopie, en 79. Vous dites écouter ces interviews de temps en temps. Qu'est-ce qui vous touche autant chez Dalida? La profonde humilité, la grande sagesse non consciente, enfin l'idée de l'apprentissage, l'amoureuse qu'elle est, éperdue. Était malheureuse. La résilience par tout le moment après Luigi Tenco, etc., après son propre suicide, la résilience par la philosophie, par les livres, par voilà, je sais, c'est l'être en mouvement, la grande croyance romantique, tout quoi, en fait, me plaît. Et je partage ça d'ailleurs avec Justine, en fait. Ouais. C'est vrai, vous aussi. J'adore Dalida. J'aurais adoré faire un biopic sur elle. C'est Lisa Azuelos qui le fait en janvier. Ça sortira en janvier. Faites-en un deuxième. Vous en ferez un autre. Faites en un contre-biopic. Faites Dalido. Sachez que vous pouvez accéder en ligne, chers auditeurs, à cette interview en intégralité. Ouais, d'ailleurs. Donc, faut pas s'en priver parce que c'est vraiment très, très beau. Et puis, entendre Chancel et Dalida en même temps, c'est quand même pas mal. C'est la classe. À votre tour, Justine Trier, un de vos films cultes. Et c'est ça m'étonne pas totalement barré. Like every time I bring a girl back here for a prospective lay, and all I want is a nice, low-key, inviting household. And if she happens to look over her left shoulder, she's gonna see a. C'est un extrait du trailer de Frontland, de Ronald Bronstein, où le héros incarné par Dorman est un bouc émissaire sublime dans un monde infernal au sens propre, où il en prend plein c'est la gueule. C'est terrible. Ouais. Alors je connaissais absolument pas, grâce à vous, j'ai découvert ce film. Et... c'est un film paranoïaque complètement dingue, effectivement très angoissant et en même temps génial sur ce type qui va quand même sombrer. Hein. Ouais, c'est un univers... Faut pas être très anxieux quand on y va, parce que ça nous met dans un état particulier. Mais oui, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, un film assez méconnu, cinéma indépendant américain. Vous pouvez répéter le nom et le... Frontland, de Ronald Bronstein. D'accord. C'est un des films les plus importants pour vous sur ces 20 dernières années. Et qui date de quand, d'ailleurs, ce film ? Qui date d'il y a un moment. Ouais. C'est un moment que je l'ai vu. Hein. Ah, ok. Quand, non, mais là, c'est clair. Qui date d'il y a un moment. Je vous mets toutes les infos. Il y a 10 ans, il y a 8 ans, je sais plus, un truc comme ça. Je suis un peu perdue là dans les dates. On va le retrouver. Une dizaine d'années, de toute façon, je vous mettrai les références sur c'est le site. C'est pointu, vous avez retrouvé des trucs là, pointu là. Un petit peu, de temps en temps. Et avant de vous faire un petit cadeau, je vais juste vous faire écouter un son. Parce que quand je viens, quand je suis à l'heure, ça va. C'était en 2007. Je t'en prie. C'était en 2007, le film. Merci. Et je voulais vous faire juste, avant de vous faire un petit cadeau, un petit son. Je pense que ça va vous faire plaisir, Virginie et Justine aussi. Parce que j'ai découvert que vous étiez fascinée par la chanson italienne. Et moi, j'adore Patti Pravo. Ah ouais. C'est la bambola. Et je fais mes cadeaux très rapidement et je vous laisse tranquille. Pour vous, Virginie, je vous offre La vie sexuelle des aventuriers d'Emmanuel Pierrat, qui est avocat au barreau de Paris. Donc ça fait un lien. C'est aux éditions du Trésor. Il travaille au barreau. Pourquoi ? Il écrit La vie sexuelle. Eh ben. Voilà, bah parce que justement, le personnage de Virginie, Victoria, dans le film, accorde une place importante à la sexualité. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que moi, je me suis toujours posé la question de la sexualité de Corto Maltese, par exemple. Ah oui ? Eh bien, vous allez avoir quelques réponses, celles de Barberousse, du Lycée Les Sirènes, de James Bond aussi. Moi, c'est le plus jadasse. Voilà, donc c'est une façon d'entrer. Alors, c'est un peu érotique. Et c'est très plaisant à la lecture. Et pour vous, Justine, je vous offre Pandora. C'est une revue de BD et de fiction. C'est Casterman qui fait ça. C'est le deuxième numéro. C'est assez rare comme objet. À l'intérieur, des récits courts, des récits autonomes, des inédits. Et un casting incroyable. Des Taniguchi, des Loustal, des Spiegelman se sont prêtés au jeu. Et en couve, Toby, le chien. C'est pas Jacques, mais c'est Toby. Et le sous-titre, c'est En avoir ou pas du chien. Voilà, c'est mon cadeau génial. Pour vous. Merci beaucoup. Merci, Leïla. Nos invités sont... Bien faites venir, même si le film était sorti. Virginie Fira et Justine Trier. Dans quelques instants, la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. Voici Étienne Dao. Je n'ai plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. N'aimais que moi. Étienne Dao avec ce grand sommeil. Voici la cascade de questions pour Justine Trier et Virginie Fira qui sont venues nous parler de Victoria, toujours à l'affiche, sortie et déjà un succès depuis la semaine dernière. Mais pour que ce soit un succès confirmé, bah, il faut que ça continue et que ça dure. Je ne sais pas d'ailleurs la durée de vie d'un film au cinéma, maintenant c'est plusieurs semaines. Ça dépend, c'est important quand même que ça marche bien la première semaine. C'est-à-dire que nous, effectivement, on était sur peu de copies, comme on dit, peu de salles, mais comme le film a vraiment marché, qu'on était premier, il y en a plus. Rajoute des salles. Ah, génial. Ouais, j'ai 130 salles là, mercredi. Ouais. C'est hyper chouette quand même. On va être à 350. C'est mérité. Voici des questions courtes avec des réponses courtes. Justine Trier, vous dites être accro aux séries télé. Laquelle, par exemple? Silicon Valley. Pardon. Silicon Valley. Voilà. Tu parles énormément de The Night Of aussi. Oui, ouais. Night Of. Et O.J. Simpson aussi, dément, là, que je viens de voir. Pardon. Tom Villa. Virginie Fira, vous qui aimez chanter, ça vous dirait pas de participer à N'oubliez pas les paroles, de quoi? On en parle avec Nagui, je dis pourquoi tu m'invites jamais. Daniel Morin. Justine, ça vous arrive quelquefois, seul ou accompagné, de vous imaginer sur une falaise? Parfois. Frédéric Segris. Justine, le premier film que vous ayez vu au cinéma? Oh putain, merde. Blanche-Neige. Leila. Virginie, merde. Votre livre... Merde, Blanche-Neige. Livre de chevet. Livre de chevet, mais c'est parce qu'il y a une bande dessinée là juste devant moi, donc il y a un truc que je voudrais absolument que Justine lise, qui est une bande dessinée magnifique, qui s'appelle Astérios Polype de David Mazouk. C'est merveilleux, ouais. C'est un grand chef-d'œuvre, ouais. Et je l'achète à plein de gens que j'aime. Très bon j'aime choix. Cette femme à Daniel Morin. Justine, le film culte que tout le monde a vu, sauf vous. Ouais. Alien. Ah, enfin ça, il faut le lire. Il faut le lire aussi. Non, parce que le générique est long. Il y a un super bouquin. J'ai honte. J'aurais dû vous l'offrir d'Olivia Rosenthal. Ouais. Toutes les femmes sont des aliens, où elle fait une relecture de ce film avec Sigourney Weaver. C'est magistral. Ah, ouais. Voilà, je me flagelle. Ouais. Justine Trier, vous avez entendu la pièce tout à l'heure, Leila. Ça vous dirait pas de faire un film sur les vampires? Oui, j'adorerais. Ouais, vraiment, pour de vrai. C'est bien parce qu'il n'y en a pas en plus. Donc j'adorerais vraiment. On va rester là-dessus. Oh, c'est bien. Une bonne vanne pour finir. Moi, je prends des excuses à présenter, Daniel. Bien sûr, désolé pour nos auditeurs âgés et très âgés que je n'embrasse pas parce qu'ils sentent fort et qu'ils piquent, mais qui ont été déroutés par la vitesse et le début de nos invités ce matin. Et ouais, les vieux, nous aussi, sur Inter, on donne de la drogue à nos invités. Je suis désolé pour tous ceux qui avaient des vues érotiques sur Justine. Je vous crois bien, vous l'avez entendu, si vous n'avez pas le dos, les fesses ou les seins de Virginie Fira, c'est mort. Désolé pour Brigitte Macron, qui a été souillée par Tom Villa. Enfin, sachez à tout hasard, Brigitte, si vous cherchez encore plus jeune que vous, Richard Lornac est dispo. On n'a pas cité le titre du film tout à l'heure. Victoria? Arrêtez-moi là. Le film dont tu cherchais. Avec Reda Kateb et Léa Drucker. Et Léa Drucker, qui était génial. Qui était une histoire vraie et d'une erreur judiciaire. Mm. Non, le film, c'est Victoria, ça, on le sait. Et on l'a apprécié comme des centaines de milliers de personnes. Donc continuez à lui faire la fête à ce film pendant plusieurs semaines. Merci, Virginie. Merci à vous. Fira, merci. Je suis prête. Faites la fête au film. Je vais te faire ta fête. Faites la fête au film. Demain, c'est Barbara Schulz et Pascal Elbé qui sont nos invités. C'est Jacques. Si je viens, en tout cas. Et Philippe Bertrand est là pour ses carnets de campagne. Ça va, oui, Philippe? Oui, ça va très bien. Merci. Bon, fais la fête à Philippe. Moi, je suis content. J'ai pas de problème gastrique parce que je vais pas à la cantine. Donc, Ah, bah ça va. Oui, non, toi, tu travailles pendant que les autres mangent. Exactement. Justine, ça s'est bien passé? Je peux lui poser la question? Ouais. Vous n'êtes pas fait trop étrier par la bande? Oh. Spécialité de Philippe, mais c'est très bien. Bisous, ma Leila. Oh, bisous, mon Philippe. Salut, les amis. Bonne émission, Philippe. Carnet de campagne. Ciao. Il est l'heure. Radio France Faites le Sport et vous invite à la deuxième édition de Vertigo, une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo.